Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Septième épisode, un automne crucial. Si en Aragon, la guerre et la révolution essaient de marcher du même pas, il en va autrement dans le reste du pays. Les Asturies et le Pays Basque sont de plus en plus isolés et Tolède sera prise le 28 septembre. Quand Franco et Mola accentuent leur pression sur Madrid, le gouvernement Caballero se distingue par son inertie militaire et semble plus occupé à contenir la révolution sociale en Catalogne et en Aragon. Il se soumet en outre au bon vouloir de Staline pour obtenir les armes. Les communistes en profitent pour accaparer les nouveaux postes de commandement de l'armée républicaine en reconstruction. En cet automne 1936, s'affirme ainsi l'influence grandissante des communistes espagnols, dont le parti, insignifiant avant la guerre, voit le nombre de ses adhérents gonfler en 2 mois. Des dizaines de milliers de représentants de la petite et de la moyenne bourgeoisie espagnole, commerçants, patrons et propriétaires terriens, qui votaient traditionnellement à droite, se rallient aux communistes, devenus de fait, depuis juillet, les garants de la propriété privée et de l'exploitation salariale. Un bras de fer semble inévitable entre eux et les anarchistes. Voyons comment se présente le rapport des forces en septembre 1936. Acte 1er. Le 15 septembre, les anarchistes jouent la carte de la solidarité ouvrière et proposent à Largo Caballero la création d'un Conseil national de défense composé uniquement de la CNT et de l'UGT. Il s'agit ni plus ni moins de substituer au gouvernement républicain un organe de pouvoir prolétarien. Caballero ne donne pas suite, car depuis le 4 septembre, il joue, lui, une autre carte. Faire entrer les anarchistes au gouvernement. Acte second. Avec toujours en toile de fond la pression exercée sur le Front populaire espagnol par l'Angleterre et la France, le consul soviétique de Barcelone se joint au gouvernement de Madrid pour exercer le chantage suivant. S'ils veulent obtenir argent et armes nécessaires à la guerre en Catalogne, en Aragon et au Levant, les anarchistes doivent différer la révolution au profit de la guerre. Au nom de la responsabilité militante, selon leur expression, c'est-à-dire pour ne pas provoquer de guerre civile dans la guerre civile, les anarcho-syndicalistes jouent la carte de la collaboration démocratique. Et le 27 septembre, ils entrent comme ministres dans la Généralité de Catalogne, remis en selle par Luis Companys et les communistes. Si le principe des collectivisations n'est pour l'instant pas remis en question, la Généralité décrète dès le 1er octobre la dissolution du comité des milices antifascistes de Barcelone et celle des comités révolutionnaires locaux qui avaient surgi en juillet. Plusieurs décrets se succèdent ensuite, exigeant la restitution des armes longues et surtout la militarisation des milices populaires. Tout va dans le sens d'une reconstitution de l'État orchestrée par les communistes, et les 3 ministres anarchistes ne s'y opposent pas, ce qui déconcerte beaucoup de militants libertaires. Acte 3e. Caballero a promis de fournir de l'armement aux milices, mais Durruti ne lui fait pas confiance et conçoit alors le braquage du siècle, s'emparer des réserves d'or de la Banque d'Espagne pour financer la relance de l'industrie de guerre barcelonaise. Un plan secret est précisément établi, mais certains dirigeants de la CNT paniquent et font capoter le projet. Par contre, quelques semaines plus tard, un autre plan, secret, est lui mené à terme. Les caisses de l'État espagnol sont proprement vidées de la moitié de leur or par les soviétiques. Il est question de fournir à l'Espagne armes et nourriture, mais les importantes réserves d'or vont surtout financer le front de la contre-révolution stalinienne. On imagine la marge de manœuvre qui reste à un gouvernement qui dépend de Staline pour son ravitaillement. Ainsi, en moins de 2 mois, non seulement les anarchistes n'ont pas appliqué leur programme de dissolution des structures étatiques, mais il semble céder au chantage socialo-communiste. Nous y reviendrons. Je venais de me coucher lorsque des coups violents frappés contre la porte réveillèrent toute la maison. Branle-bas de combat, on s'en va. Des camions nous attendaient sur la place. À l'aube, nous arrivâmes à Farlette. Nous descendîmes et au pas de course, nous traversâmes le village pour aller prendre position 2 kilomètres plus loin, dans le secteur nord-est de l'agglomération. De loin nous arrivait le bruit de la bataille. On vit l'ennemi arriver, avancer, apparaître, disparaître, suivant les accidents du terrain. Nous attendions l'ennemi, couché derrière les tas de gerbes de blé, sur les sommets des petites collines, qui, comme des dunes dans le désert, brisaient l'uniformité de la plaine. À environ 150 mètres de nous, les opposants ouvrirent le feu. Un véritable feu d'enfer. De notre côté, pas un coup ne fut tiré. Pas une cartouche brûlée. Surpris par notre passivité, ils arrêtèrent le tir, et quelqu'un commença à nous parler, nous conseillant de nous rendre, d'aller avec eux. Je ne sais plus qui se leva, en criant « Les anarchistes ne se rendent pas !» La fusillade recommença de leur côté. Nous, nous ne répondions pas pour 2 bonnes raisons. Nous n'avions que très peu de fusils mitrailleurs, une seule mitrailleuse, quelques fusils. La grande majorité d'entre nous était armée de pistolets et de grenades. D'autre part, nous n'étions pas assez riches en munitions pour pouvoir les gaspiller. Au bout d'un bon moment, alors que nous nous demandions pourquoi ils ne se décidaient pas à avancer, nous les vîmes se retirer en courant. Que s'était-il passé? Ce ne fut qu'après avoir été relevés que nous eûmes la clé du mystère. Certains de mes compagnons avaient bien vu apparaître sur une cime, sur le flanc et en arrière des lignes ennemies, une silhouette qui s'était mise à faire des grands gestes. C'était Georges. Un petit Parisien. Pour je ne sais plus quelle raison, il avait manqué le départ. Arrivé à Farlette et sur un camion de munitions, il avait essayé de nous rejoindre, mais il s'était perdu. Le bruit des armes l'avait orienté, conduit sur le sommet de cette colline. Voyant un peloton de cavalerie aller vers lui, il avait eu l'idée de se lever, pour se faire voir des cavaliers, et de faire des signes avec les bras, comme pour inciter quelqu'un à se dépêcher d'arriver. Se croyant débordé, et pour ne pas se faire encercler, les officiers avaient donné l'ordre de la retraite. Farlette était sauvée. La route qui devait nous conduire un mois plus tard à Perdiguera était ouverte. Nous avions à déplorer 1 mort et 2 blessés. Le mort était russe, ironie du destin. Cet homme qui devait mourir sur le haut plateau d'Aragon était né à l'autre bout de l'Europe. Une révolution l'avait obligé à fuir sa terre natale. Il était un blanc. Et faisait partie des armées de Wrangel et de Denikin. Réfugié en France après la victoire des communistes, il avait quitté son emploi pour venir mourir en Espagne. Tué par ceux-là même qui auraient été ses alliés 19 ans auparavant. Quel cheminement de la pensée, quelle leçon brutale de la vie d'exilé l'avait poussé à embrasser notre cause. Nul ne le saura jamais. Un des blessés était allemand. Il avait reçu 2 balles dans la poitrine. On le croyait perdu, mais il s'en était sorti, avec 6 ou 7 mois d'hôpital. Sa compagne, Madeleine, put l'accompagner à Barcelone, où elle le confia à des amis. Elle nous rejoignit ensuite à Farlette, pour continuer à soigner nos légers bobos. Depuis mon départ de Lérida, je n'avais plus quitté le front, alors que tous mes camarades avaient effectué 1 ou plusieurs escapades à Barcelone, Tarragona ou autre ville catalane, pour se retremper le moral et oublier les dangers de la guerre. Moi, j'avais fait ma coquille à Pina. Je m'étais trouvé une famille, une mère et 2 sœurs. Marie était arrivée un beau jour, pour être plus précis, une belle nuit, avec un petit nombre de copains, qui, bloqué à Saragosse par la duplicité du général Cavanella, avait néanmoins pu se cacher et passer les lignes pour aller continuer le combat. La mort de Juanita m'avait profondément marqué. Plus rien ne m'intéressait, en dehors de la réussite des missions qui m'étaient confiées. Vincenta et Maria faisaient leur possible pour chasser mon cafard. Quand elles me voyaient plonger dans mes idées noires, elles trouvaient toujours un bon prétexte pour me demander de les accompagner quelque part ou de les aider. Très souvent, nous allions travailler à la huerta. Et pendant 3 ou 4 heures, on sarclait, on binait ou on bêchait. Maria me racontait sa vie de femme de chambre, tout ce qu'elle était obligée de supporter de ses patrons, exigences et caprices. Elle me disait ses rêves de femme, qu'elle réaliserait lorsque la guerre serait finie. Elle me parlait de son nobio, qui était resté dans la zone fasciste. Et elle n'était pas sans espoir de le voir arriver un jour, sans crier gare. Vincenta, espiègle et joueuse, avec l'insouciance de son âge, me provoquait et cherchait la bagarre pour rire pendant tout le trajet. Elle se calmait pour travailler, mais une fois la tâche finie, et avec elle c'était vite fini, elle recommençait à chahuter. Impossible de garder son sérieux. Je finissais toujours par rire et par jouer avec elle, comme un enfant turbulent et moqueur. Madre, comme toutes les mères, me raisonnait et tâchait de me persuader que ce qui était arrivé n'était pas de ma faute et que nul ne connaissait son destin. Cela ne l'empêchait pas de me dire certains soirs, où elle me voyait ceindre mon ceinturon et y accrocher les grenades. « Hijo, fais attention, reviens vite à la maison. Fils, ne fais pas d'imprudence. » Je pouvais rentrer à n'importe quelle heure de la nuit, je la trouvais toujours à m'attendre. Elle veillait pour attendre ce fils, qui était venu de nulle part. Ce garçon sans patrie, sans famille, sans feu ni lieu. Au vagabond que j'étais, elle avait largement ouvert les portes de sa maison et de son cœur généreux de paysanne aragonaise. Après l'affaire de Farlette, Louis me chargea d'une commission auprès d'Alathénété pour régler une question qui opposait un des jeunes de notre groupe à sa famille. Le garçon avait 14 ans et était vraiment trop jeune pour se faire tuer. Il s'était enfui de chez lui après une discussion orageuse avec son père et ne voulait pas rentrer au bercail par crainte d'une sévère correction. Je devais demander à quelqu'un du bureau d'intervenir auprès de son père pour qu'il vienne chercher son rejeton, avec la promesse formelle de ne rien lui reprocher. Le jeune homme était un village des environs de Lérida, et c'est dans cette ville que je me rendis, après une absence de 2 mois. Après m'être pointé au syndicat, et avoir réglé l'affaire avec le secrétaire de service, je me dirigeai vers la maison de Miguel. Je voulais voir cet ami et Thérèse, pour me retremper dans leur amitié. Mais ni lui ni Thérèse n'étaient là. Seule la mère de Miguel, Maria, était à la maison. Elle fut très contente de me voir. Elle me dit que ses enfants étaient partis pour 8 jours à Sabadell. Ils avaient encore 4 ou 5 jours à passer là-bas. Comme je lui disais que j'allais chercher où passer la nuit, elle protesta, en disant que si Miguel avait été là, je serais resté, et qu'il n'y avait donc pas de raison que je ne fasse pas de même ce soir-là. Ma chambre était toujours prête à me recevoir. Comme c'était l'heure du souper, on mit la table. Ni elle ni moi n'avions parlé de Juanita. Moi, pour ne pas raviver sa peine, je ne lui avais rien demandé. Pendant tout le repas, elle me parla de Miguel et de sa compagne. La petite nonne se révélait être une petite femme de maison intelligente et active. Elle était très amoureuse de son âme. Miguel avait eu la chance de l'aimer et d'en être aimé. Tout alla bien jusqu'au café. C'était Juanita qui le servait quand elle était encore là. Maria débarrassa la table, puis resta debout, immobile, regardant la chaise que sa fille aurait dû occuper, et commença à pleurer. Elle pleurait, les yeux fixes, sans un sanglot. Les larmes coulaient sur son visage, que les chagrins et les soucis avaient à peine marqué. Je me levai, et je passai un bras sur son épaule. Elle était plus petite que moi, l'obligeant à relever son visage. Et je commençai à l'embrasser, pour sécher ses larmes. Je couvris ses yeux et ses joues de baisers. Je sentais sur mes lèvres le goût légèrement salé de ses pleurs. Et ma bouche rencontra la sienne. Depuis que j'avais quitté Juanita, je n'avais plus eu de rapport avec une femme. J'oubliais tout, pour ne penser qu'à une chose. Je tenais une femme tout contre moi. Elle ne réagit pas, et accepta mon baiser. Ma langue força la barrière de ses dents et chercha la sienne. Je sentis ses ongles s'enfoncer dans ma nuque. Comme un fauve soulevant sa proie, je la soulevai pour l'emporter dans sa chambre. En un clin d'œil, je la débarrassai de ce qui pouvait me gêner. Les seins jaillirent blancs comme l'albâtre. Les tétons dressés paraissaient s'offrir au baiser. Je me penchai vers eux. Et je sentis ses jambes se croiser sur mes reins. J'ai gardé de cette nuit une suite d'images qui tournent dans ma tête, se mêlent et se confondent. Un visage, un ventre, des cuisses, filmées sous tous les angles par un cinéaste fou. Il faisait grand jour quand je me suis réveillé. J'étais tout seul. Je me sentais léger et heureux de vivre. Je songeais un instant à ce qui s'était passé. J'ai regretté qu'elle ne soit pas à côté de moi. Croyant qu'elle était sortie, car je n'entendais aucun bruit dans l'appartement, je me levai, et dans le costume d'Adam, je rentrai dans la cuisine. Elle était assise près de la table, réparant les dégâts causés par notre précipitation de la veille. Surprise de me voir en si simple appareil, elle se leva en laissant choir son ouvrage et me tourna le dos. Elle était habillée d'une blouse sans manches, que seule retenaient deux rubans noués par derrière. Je sentais en moi monter le désir de la prendre, de l'entendre gémir, râler, crier de plaisir. Je défis le nœud qui retenait sa blouse. Je la fis glisser sur ses bras, et elle m'apparut toute nue. Elle n'avait rien que ses cheveux pour la couvrir. J'embrassai sa nuque, ses épaules, son dos. Pendant que mes mains caressaient son corps, de la poitrine aux hanches et au triangle soyeux du sexe. Elle resta un long moment plaquée contre moi. Puis lentement, elle croisa ses bras en les appuyant sur la table et y cacha son visage. Elle creusa les reins et sa croupe s'offrit comme un énorme fruit, porté par les colonnes des cuisses nerveuses. Toute la matinée se passa en étreinte, alternée de causeries, pendant lesquelles on reprenait des forces en mangeant des fruits ou des œufs. Cela ne prenait pas beaucoup de temps pour les préparer, et pour ne pas perdre du temps, nous ne nous étions pas rhabillés. Elle était agréable à regarder, plutôt petite de taille, les seins orgueilleux avec à leur sommet une fleur rose très foncée. Lui ayant demandé comment elle faisait pour garder, après deux accouchements, une poitrine si belle, elle me répondit que son lait n'étant pas bon pour les enfants, elle ne les avait pas nourris au sein. Elle m'avoua que le matin, en se réveillant, elle avait eu envie de me réveiller avec des baisers, mais qu'elle avait eu honte de cette flamme. Elle dit aussi que mon baiser de la soirée avait allumé dans son corps cette envie qui maintenant la dominait, au point qu'elle avait eu peur de se retrouver seule dans son lit quand je serais parti. Nous savions bien tous les deux que seule la nature et sa loi nous avaient jetés dans les bras l'un de l'autre, effaçant d'un coup toutes les barrières que la morale hypocrite de la société avait dressées en 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Elle savait, et moi aussi, que nous n'étions que deux êtres qui s'étaient rencontrés dans un moment précis, où tous les deux avaient besoin de l'autre, et qui étaient heureux de faire fondre leur esprit et leur chair dans le creuset du plaisir. Je suis parti au début de l'après-midi. Nous avons échangé un dernier baiser sur le seuil. Elle avait voulu que j'emporte l'image de son corps sans voile, nue, bien droite, les yeux légèrement embués. Peut-être à cause du plaisir qu'elle venait de prendre, peut-être des larmes qu'elle retenait. Elle tourna sur elle-même en me disant « Regarde, je ne sais pas si je suis belle, mais tu l'as dit et je veux le croire. Nous ne nous verrons peut-être plus. Souviens-toi de moi telle que je suis. Moi, je ne t'oublierai jamais. » Je suis rentré à Pina pour reprendre la vie de garnison. Je partageais mes loisirs entre la maison, les promenades avec Tarzan, mon chien, et des discussions avec des amis sur la meilleure façon de nous servir des armes que nous avions. Le groupe, à la fin de septembre, avait considérablement grossi. Nous étions environ 150 hommes lorsqu'on nous envoya à Farlete pour voir si nous pouvions tenir une position qui n'avait jamais été occupée. Après une nuit de marche, sous la pluie, dans les champs de blé, où nos espadrilles s'enfonçaient dans le sol et ne voulaient plus en ressortir, au point que la majorité d'entre nous se déchaussa pour pouvoir marcher plus aisément, nous arrivâmes au pied du Monte Oscuro, à l'aube. On grimpa jusqu'au sommet. Bertomieu était un officier de carrière, et il eut vite fait de repérer les points stratégiques. Sous sa direction, nous commençâmes tout de suite à ébaucher le réseau des fortifications. Poste avancé. Nid de mitrailleuse ou fusil mitrailleur, tranché. Nous y restâmes quelques jours. À 800 mètres au-dessus de la mer, même en Espagne, il ne faisait pas très chaud. Aussi nous retournâmes à Farlete, et les centuries espagnoles achevèrent les travaux que nous avions commencés. Nous, les anciens du groupe, étions très contents de changer de garnison. À Pina, nous étions comme chez nous. Nous avions nos familles, où nous prenions nos repas, où nous passions la veillée. À Farlette et nous ne connaissions personne. Nous logions dans des granges et nous prenions nos repas en commun dans une grande salle. Augusta, Mimosa et Marthe nous faisaient la cuisine. Madeleine, la compagne de l'Allemand blessé, nous servait à table, aidée par deux femmes du village. C'est à Farlette que j'avais commencé à parler avec Madeleine. Depuis quelque temps, je la voyais partout où j'allais. Avant mon voyage à Lérida, je ne faisais pas attention à elle, et ni aux autres, à la vérité. Parfois, elle m'agaçait avec sa façon de faire. À mon retour, mon caractère avait changé. Mais malgré cela, elle continuait toujours à m'embêter avec ses prévenances, ses chatteries, et sa manière de toujours s'inquiéter pour moi. Madre s'était aperçue du changement survenu. Et dès qu'elle me voyait blaguer avec une fille, elle se moquait de moi. Un jour, je lui dis « Madre, vous avez deux jolies poulettes dans votre poulailler. Vous ne craignez pas que je vous les vole ?» Elle me regarda droit dans les yeux et me répondit « Fils, je sais que si tu leur parles, elles seront à toi toutes les deux. Mais je sais aussi que tu ne feras rien pour ça. Et que si quelqu'un les embête, tu les défendras avec plus de cœur que leurs frères. » Tu vois, hijo, je te connais mieux que ta pauvre mère. Je l'ai embrassée et je suis parti prendre mon tour de garde. Nous étions au tout dernier jour de septembre et j'avais envie de passer un jour en famille. Après en avoir avisé Louis, je suis monté dans un camion qui allait à Gelsa de Ebro. Augusta avait eu la même envie que moi. Elle voulait revoir les amis qu'elle s'était faite dans la petite ville. Durant tout le trajet, je la baratinais. Et elle riait de bon cœur à toutes mes boutades. Je savais que je n'avais aucune chance de réussir. Elle était connue pour sa froideur. Nous disions qu'elle était allergique à l'amour. Gentille copine, dévouée, prête à rendre service à tout le monde. Mais pour ça, rien à faire. Je crois lui avoir débité toutes les fadaises qu'un garçon peut dire à une fille. Lui avoir fait toutes les propositions que l'on peut faire à une femme pas bégueul. Moi, je ne me prenais pas au sérieux. Augusta riait aux larmes, et moi avec. Je conserve de ce voyage un souvenir plein de tendresse et de pureté, malgré les propos grivois et libertins de la conversation. Pauvre Augusta. Elle n'avait plus que quelques jours à vivre. Ex-étudiante en médecine, elle s'était fait des amis parmi les femmes qu'elle avait soignées. Nous étions heureux d'aller voir les gens simples que nous aimions. Avant de descendre du camion, je lui lançai une dernière boutade. « Augusta, souviens-toi que je suis capable d'oublier mon sexe. Et si un jour tu as besoin d'une copine pour t'amuser, pense à moi. » Elle me donna une bourrade et éclata de rire en me disant « Tony, mon petit, tu es complètement fou !» Lorsqu'on se sépara, elle riait encore. Nous étions dans les premiers jours d'octobre, et Berthomieu allait souvent au QG. Mais contrairement à son habitude, il ne nous communiquait jamais les raisons de ses déplacements. Dans le petit groupe de vétérans, nous étions inquiets. Quelque chose se préparait. Mais quoi ? Un soir, Louis me demanda d'aller chercher Staradov, un Russe, et Lino, un Italien naturalisé français, et qui avait servi sous ses ordres en Afrique. Une fois réunis, il nous dit simplement « À partir de demain, vous resterez en contact permanent avec le PC. J'aurai besoin de vous. » Il était soucieux, énervé. Jamais je ne l'avais vu en pareil état. À Farlette, j'avais élu domicile dans une bâtisse désaffectée. Une partie du toit, démolie par les obus, laissait voir un coin de ciel. Pour y parvenir, il fallait longer le cimetière. Par une brèche, je pouvais voir en allant me coucher les morts que les bombardements avaient déterrés. Il y en avait un qui, par je ne sais quel hasard, était intact, paraissait une momie. Le bois avait disparu en partie, mais le cadavre s'était séché, momifié. Probablement le terrain était-il riche en arsenic ou autre sel, ayant la propriété d'empêcher la putréfaction. J'étais couché depuis un moment, dans mon lit fait de paille et de foin, entassé dans un cadre en planche. Mais il était assez solide et sentait bon. Deux couvertures que Madre m'avait données remplaçaient la toile du matelas, et une capote de soldat, cadeau d'un vieux paysan de Farlette, me servait de drap. J'avais marché tout l'après-midi avec Louis, Lino et Alexandre. Sur le terrain, Louis nous avait expliqué ce qu'il attendait de nous. C'était très simple sur le papier. Il fallait neutraliser trois mitrailleuses pour permettre aux autres de prendre la position ennemie. Il nous avait partagé la besogne, celle de Lino à gauche, Staradov à droite, et moi au centre. Le hic, c'était l'heure. On ne pouvait compter ni sur le sommeil, ni sur la fatigue des sentinelles entre 21h30 et 22h. On avait étudié notre chemin aux jumelles, repéré les buissons qui pourraient nous servir à dissimuler notre approche, choisi l'endroit où nous devions nous arrêter pour lancer nos bombes. Pendant plus d'une heure, les jumelles collées aux yeux, nous avions exploré la pente que nous devions escalader, presque pierre par pierre. À une réflexion de Lino, Louis avait répondu « C'est la guerre, et vous êtes les seuls qui ayez une chance de réussir. » Je réfléchissais à ce que Berthomieu avait dit. C'était bien beau une chance, mais sur combien ? Une sur deux ou une sur mille ? Je n'étais pas très rassuré. Je doutais fort de mes capacités à jouer le Sioux sur le sentier de la guerre, malgré tout ce que pouvait penser Louis. Un bruit de pas vint m'arracher à mes pensées. Et une voix m'appela. Antoine ? Oui ? Qui est-ce ? Moi, Madeleine. Je croyais qu'elle venait me chercher. Je repoussai ma capote et me levai. Elle était déjà à côté de mon lit. Qui me demande ? Personne. Je sais que tu pars demain. J'allumai deux lampes à huile et je la regardai. Comment le sais-tu ? Louis a dit à Augusta et à Mimosa de préparer la pharmacie. Moi, je reste avec la réserve. Et alors, c'est pour ça que t'es venue ? Non, pour ça. Elle monta sur le lit. et m'embrassa avec une fougue dont je ne l'aurais pas cru capable. Son baiser chassa mon inquiétude. Je ne la désirais pas, mais puisque le sort m'envoyait une partenaire de jeu, autant en profiter et m'amuser. Je la déshabillai sans me presser. J'enlevai d'abord sa chemise. Elle portait un soutien-gorge en dentelle. Sa poitrine commençait légèrement à fléchir. Sa jupe glissa sur ses hanches. Elle dégagea ses pieds en la poussant de côté. Je fus surpris. À la lumière des quinquets, elle paraissait tellement plus jeune. Seuls ses seins la trahissaient à peine. « À toi maintenant, » lui dis-je. Elle déboucla ma ceinture, me débarrassa du pantalon et de la chemise, se baissa pour les déposer à la tête du lit. Et en se relevant, elle posa ses mains sur mes jambes et les fit glisser des chevilles aux hanches. Le bout de sa langue traçait une ligne humide, de la base de ma verge à ma gorge. En se serrant contre moi, les bras autour de mon cou, elle leva son visage vers moi, sa langue rose pointée entre ses lèvres rouges. Je commençai à lui embrasser le cou, les épaules, les seins. Puis j'ai pris un téton dans ma bouche, tout en caressant le dos d'une main. Je glissai l'autre entre les cuisses. Son sexe était mouillé et brûlant. Au contact des doigts qui fouillaient sa chair, ses jambes s'écartèrent comme pour permettre de pénétrer plus profondément, puis se refermèrent, tel un étau, sur ma main prisonnière. Ses genoux se pliaient. Elle se renversa en arrière, m'entraînant avec elle. S'allongea en disant des mots que je ne comprenais pas. Ma bouche glissa sur sa peau, de la poitrine à son vagin, et emprisonna le clitoris dans l'étau de mes dents. Un cri s'échappa de sa gorge. Tout son corps se cabra, comme si une décharge électrique le traversait. Ses mains, prises dans mes cheveux, tenaient plaqué mon visage entre ses cuisses largement écartées. Elle resta un moment ainsi, bandée, puis retomba épuisée. Moi, je continuais mon travail. Les mains pétrissaient les tétons, mes lèvres et ma langue poursuivaient leur œuvre. Moi aussi, j'étais à bout de force. Et dès que je sentis qu'elle recommençait à s'émouvoir, que ses hanches et son ventre reprenaient le mouvement doucement rythmé qui prélude la jouissance, je remontai des profondeurs et me couchai sur elle. Madeleine me prit à bras le corps et d'un coup de rein me fit basculer de telle façon que je me retrouvais dessous. Elle me chevaucha comme une amazone monte un étalon sauvage. Antonio Jiménez, comme tant d'autres sur le front, continue un combat au nom de principes qui semblent trahis à l'arrière par les politiciens. Beaucoup de militants inquiets, dont Durruti, se concentrent alors sur l'Aragon, où l'expérience libertaire paraît toujours possible. Dans cette région, côté républicain, la plupart des 600 villages expérimentent le communisme libertaire depuis 2 mois. Afin de sauvegarder l'auto-organisation des collectivités, tout en maintenant soudés le front et l'arrière, une assemblée de délégués des villages et des représentants mandatés des colonnes de la CNT discutent, fin septembre, de la formation d'un conseil de défense aragonais. Cet organisme doit traiter les divers problèmes engendrés par l'état de guerre et protéger les collectivités des tentatives de sabotage du gouvernement de Madrid. Il est aussi question de contrôler la présence des 20 000 miliciens dont certains se comportent par endroits comme un territoire conquis. Le Conseil de défense est composé uniquement d'anarchistes, les autres partis antifascistes consultés ayant refusé d'y entrer. Les collectivistes sont bien conscients de se retrouver dans une situation difficile quant au respect de leurs principes libertaires. Comment faire pour établir l'ordre avec des moyens de contrôle et de police que les circonstances exigent, sans déboucher sur une structure d'État ?